resterait la même. Changer et dérailler. Mais regarde-moi sans me juger. Suis-moi, tu verras. Je ne suis pas une diva. Les gens n'ont qu'à parler. Je me laisserai pas piéger. Jamais manipuler. Tu peux toujours essayer. Sans vouloir t'effacer. Je n'ai jamais triché. J'avance en piétiner. Je ne prends pas la tête, je sais que je suis pas la reine. Sache que je tiens surtout à rester la même. Je ne vais pas changer puisque c'est comme ça qu'on m'aime. Sois tranquille, c'est sûr, je resterai la même. Tu dis que le succès parvient à transformer mon âme et mes pensées. Ne crois pas tout ça. Mais avec la vie qu'elle mène, on pourrait se demander si si jeune elle n'est pas blasée. Vu sa notoriété, vu tout son succès, elle répond sur la scène et sur l'effort. Après les critiques, c'est comme partout elle fuse. Mais rester véridique, c'est ce qu'on désabuse. C'est pour ceux qui taillent, qui omettent de juger. Faut sûrement pas changer pour une poignée de dérangés. Je prends pas la tête, je sais que je suis pas la reine. Sache que je tiens surtout à rester la même. Je vais pas changer. Je resterai la même. Dans tous nos moments de vie ou sur la scène. Dans mon cœur je sais que je suis restée la même. Je ne veux surtout pas te causer de la peine. Fais-moi confiance, je saurai rester la même. C'est partout pareil, t'as beau rester authentique, ça siffle autant dans les oreilles. Je suis pas le roi, t'es pas la reine, les gens auront toujours à dire. Alors on fait ce qu'on a à faire sans se préoccuper des dires. Et même si les choses évoluent, on reste intègre. Faut pas se fier au ragot, car on est les mêmes. On fera toujours le maximum, même si les mauvaises ont des pannes. On peut pas plaire à tout le monde, et c'est ce qui fait que